Vous êtes toujours à l'écoute de Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous poursuivons notre tour d'horizon du 24 heures des sciences avec les multiples activités qui sont offertes à Québec. Et il y a notamment des bars des sciences. Oui, parce que la science, des fois, ça se marie bien avec la bière. Alors, il y en aura un, entre autres, à la Korrigan. Et c'est Joanie Ferland qui nous en parle. Joanie est, si je me souviens pas, professionnelle de recherche. Oui. À l'unité mixte internationale de recherche TACUVIC à l'Université Laval. Bonjour, Joanie. Bonjour. Alors, tout d'abord, un bar des sciences, en fait, c'est quoi? Ben, un bar, donc, on veut une ambiance décontractée des sciences parce qu'on veut une discussion sans frontières, dans une ambiance décontractée avec le plus grand nombre de personnes. Mm-hmm. Donc, on veut jaser, on veut discuter, on veut les timides, les curieux, les jeunes, les plus âgés. On veut pas juste des scientifiques, on veut vraiment toucher le plus grand rayon de personnes autour d'une question scientifique. D'accord. Et quelle sera cette question scientifique? Alors, la question scientifique proposée, qui cadre dans la thématique du 24 heures des sciences, est s'adapter à un art en mouvement. Mm-hmm. Communauté et écosystème. Donc, l'ensemble des groupes de recherche nordique de l'Université Laval se sont rassemblés à nouveau parce que la formule a été un succès franc l'année dernière. Alors, le Centre d'études nordiques, TACUVIC, l'Institut nordique du Québec, Québec Océan, Sierra, qui est un centre de recherche autochtone, mm-hmm. Sentinelle Nord se sont rassemblés pour vous proposer cette thématique du bar des sciences. Donc, il va y avoir des chercheurs qui vont être là, qui vont quand même apporter leur savoir. Absolument. Mais en interaction avec les autres, avec les participants, le public. Et ce n'est pas une conférence. Donc, on veut discuter. Donc, on a besoin des gens qui prennent de la bonne bière, qui ont des idées, des commentaires, des réflexions. Et les 5 personnes invitées vont orienter, commenter, partager leurs connaissances, leurs expériences sur le sujet sous 3 grands axes. Donc, on veut faire l'état des lieux. Quels sont les mouvements migratoires des végétaux, des animaux, des gens? Quels sont les impacts sur le territoire, sur, mm-hmm. sur les communautés de ces migrations vers le sud ou vers le nord? Et quels sont les outils, sommes-nous en mesure de faire ces suivis, de suivre ces mouvements migratoires, mm-hmm. tant par le savoir traditionnel que par l'innovation technologique? Mmh. Et en fait, ça se passe, on a dit que c'était à la Korrigan, mais ça se passe quand? Ça se passe samedi le 12 mai, pardon, à 19h. Et les invités qu'on aura pour votre plaisir seront donc du Centre d'études nordiques, Gilles Gauthier et Pascal Repars, qui pourront parler de part et d'autre. Donc Gilles, plus tout ce qui est flore et mammifères terrestres. Pascal, pour tout ce qui est de la végétation. On aura aussi Lynn Morissette, spécialiste pour tout ce qui est des mammifères marins. Mmh. Quel est l'état des populations? Quel est l'impact des changements sur l'écosystème? On aura aussi le privilège d'avoir M. Serge Achinigoupil, qui est conseiller pour les Nations Inoues, d'une perspective donc autochtone. Mm-hmm. Quelles sont les observations faites sur le caribou, par exemple? C'est bien, ouais. Et quelles sont les interactions avec les scientifiques? On a le plaisir aussi d'avoir Éric Baroucha, qui est ingénieur directeur technologique, donc qui nous parlera des plateformes. Quelles sont les innovations technologiques qui nous permettent d'aller plus loin. Nord, oui, c'est exactement, ça. Parce que le Nord, c'est cher, c'est difficile d'accès. Donc, l'idée, c'est de développer et de travailler en collaboration avec les Autochtones, toujours pour aller chercher plus d'informations. Et qui sera notre animatrice? Je sais pas. On a aussi ce super privilège d'avoir Valérie. Donc, toi, tu seras parmi nous pour animer ce bar des sciences. Alors, je serais bien contente de pouvoir contribuer à cette discussion tout en prenant une bière. Une bière. Donc, ce qu'on veut, c'est que les gens viennent samedi, le 12 mai, à 19h, discuter de la science. Donc, s'adapter à un art en mouvement avec nos 5 invités et toi, Valérie, pour animer le tout. L'année passée, c'était un franc succès. La place était bondée de monde. On mm-hmm. s'attend à autant de curieux, de timides, d'intéressés à l'événement. Je vois déjà François qui applaudit. Je pense qu'il va y aller. Ben, merci beaucoup, Joanie, de nous avoir présenté avec autant d'enthousiasme cette activité. Et si vous aimez le concept des bars des sciences, eh bien, sachez qu'il y a quand même un peu concurrence, car il y aura un autre bar des sciences au pub Galway, mais le vendredi soir. Ça tombe bien. Et donc, ça, ce sera donc au pub Galway sur la rue Cartier, entre 18h et 19h30. Et celui-ci portera sur les spermatozoïdes, et en particulier l'effet de l'environnement et de la pollution sur la fertilité. Et il sera présenté par le Centre de recherche en reproduction et santé intergénérationnelle de l'Université de Laval. Laval. Et j'en profite aussi pour glisser deux autres activités qui ne sont pas représentées, dont personne ne vient les représenter. Donc, toujours dans le domaine médical, il y aura le Labo Patient. Ça, c'est une journée porte ouverte au Centre de recherche sur le cancer. C'est sur la rue MacMahon, à côté de l'Hôtel Dieu. Ça, c'est une formidable occasion de rencontrer des étudiants et des chercheurs dans leur milieu de recherche, dans leur laboratoire, et de découvrir des projets de recherche de ce centre et même de participer à quelques expériences. Donc, une occasion assez unique de pénétrer dans ces lieux qui nous sont assez souvent fermés. Ça se passe le samedi de 11h à 17h. Et une autre activité comme ça en vrac au Musée de la Civilisation avec une initiation à la programmation informatique. Ça se passera le samedi de 13h à 16h. Il y aura un atelier pour les jeunes de 8 ans à 13 ans, débutants en programmation. C'est gratuit, mais il faut apporter son ordinateur portable. Alors, maintenant, on va voir un petit peu de physique et je me tourne vers Mathieu Riopel, qui est professeur de physique au Cégep Garneau et aussi, conférencier. Conférencier, entre autres, au Centre de démonstration en sciences physiques. Et c'est un collègue de Dominique Boudreau, d'ailleurs, chroniqueur de Futur Simple. Bonjour Mathieu. Ben bonjour. Alors les auditeurs de Futur Simple ont entendu plusieurs fois déjà Dominique raconter l'histoire des sciences. Mais là, on va pouvoir assister à une vraie conférence démonstration du centre avec des expériences et des démonstrations. Exactement. Cette année, la conférence au Centre de démonstration qu'on présente à plusieurs milliers de jeunes de groupes scolaires qui viennent nous voir. Ça s'intitule « Voir le son », c'est de discuter des idées scientifiques derrière le son, la musique, toutes ces choses-là à l'aide de montage. Donc, on en parle, mais surtout, on le montre, le son. C'est assez particulier de dire qu'on voit le son. Oui, ben on sert de nos autres sens pour faire expérimenter avec le son. Donc, on rend visible cette chose-là qui est moins accessible habituellement par diverses expériences qu'on montre au public qui va être là. On offre ça au grand public, cette conférence-là, qui va être présentée d'ailleurs par Dominique Boudreau. Oui, mais alors, habituellement, c'est une conférence qui est présentée aux élèves du secondaire, je crois. Oui, c'est tout le monde va pouvoir apprécier cette conférence-là, mais c'est habituellement offert aux primaires, aux secondaires. Donc, ça veut dire que, même si les questions de physique, de voir le son, que peut-être ça peut résonner de façon un peu hautement scientifique pour certains, en fait, c'est tout à fait accessible. L'idée, c'est de rendre la science accessible, de rendre ces idées-là, les simplifier pour que les gens puissent les comprendre, les apprécier, puis surtout de susciter des questions. Peut-être qu'il y a des choses qui vont rester en suspens à la fin de la conférence, mais il va certainement y avoir des nouvelles questions qui vont germer dans les têtes des gens. Ça attise la curiosité. Exactement. Et éventuellement, après, on dit « Papa, j'ai pas compris ça, explique-moi! » Exactement. Et puis, cette année, on offre un programme double, en fait, au CDSP. On présente, à la suite de la conférence, un atelier où les gens vont pouvoir non seulement expérimenter. Ils vont avoir déjà la tête remplie d'idées à ceux de la conférence, mais ils vont pouvoir ensuite expérimenter puis fabriquer leur propre montage de démonstration puis rapporter ça à la maison puis impressionner leur famille avec... Qu'est-ce qu'ils vont fabriquer plus précisément? C'est ce qu'on appelle un tonoscope. C'est un petit peu difficile. Ça me prendrait plus que 30 secondes pour l'expliquer, mais en voyant la conférence, on va tout comprendre. Et puis ensuite, on va pouvoir fabriquer ce montage-là. C'est comme si on rapportait un montage en souvenir de la conférence. C'est quelque chose qui va permettre de voir le son. On va voir le son avec un tonoscope. Mais là, on est intrigués, là. On veut savoir. Essentiellement, l'idée, c'est on chante à travers un tube en carton. Ouais. C'est du matériel très simple. Et puis, ça fait vibrer une membrane. Et puis, on rend visible la vibration de la membrane. Donc, la vibration de notre voix à travers cet appareil-là, qui est tout simple. Et donc, ça se passe où? Parce qu'en fait, le Centre de démonstration en sciences physiques, qu'est-ce que c'est? Le Centre de démonstration en sciences physiques, ça se trouve au Cégep Garneau. C'est une espèce d'auditorium qui est fait exclusivement pour présenter ces conférences-là. Donc, c'est au 1660 Boulevard de l'Entente. La première activité, la conférence démonstration, elle est à 13h30, puis c'est suivi de l'atelier de fabrication de tonoscope dont je parle, qui est à 15h15. Tu vas être dans un local tout près du centre de démonstration. D'accord. Vous allez être guidé à ce moment-là. Est-ce qu'il faut réserver? Et c'est idéalement, il faut réserver. On essaie de prévoir du matériel justement pour fabriquer objets-là. Pour pouvoir fabriquer tous les télescopes. Donc, il y a l'information sur le site du 24 heures de science. Mm-hmm. Alors voilà, c'est un autre rendez-vous qui est pris cette fois-ci dans un autre coin de la ville. Donc, on se déplace un petit peu partout quand même, hein, de Mézeray à Cap-Rouge. Maintenant, on va plus du côté Sainte-Foy, on est allé à l'université. On se déplace, on est allé à la Corrigan, Saint-Roch. Donc, on se déplace un petit peu partout. Donc, vraiment, pas d'excuses. Où que vous soyez, il y aura quelque chose pour vous. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Puis donc, on vous souhaite plein de monde pour aller voir, le son. Parfait. Merci. Alors, et si maintenant on s'intéressait à nous humains et plus précisément à notre cerveau? Alors, l'équipe de Cerveau en tête est ici avec Louis-Simon Rousseau. Bonjour, Louis-Simon. Bonjour. Louis-Simon, j'aimerais savoir ce que c'est Cerveau en tête. Qu'est-ce que c'est? Cerveau en tête, c'est un organisme qui a pour objectif de, dans le fond, de rendre accessibles les connaissances sur le cerveau aux jeunes. Aux étudiants, aux jeunes, dans le fond, on présente normalement des activités pendant toute une semaine qu'on nomme la semaine cerveau en tête. On présente des conférences sur le cerveau aux élèves de sixième année puis aux élèves de secondaire 3 pour vraiment éveiller leur curiosité sur la neuroscience. Oui. On, c'est qui on? On est un comité de 8 étudiants de l'Université Laval, mais durant la semaine, c'est vraiment une grosse semaine, fait qu'on recrute une quarantaine de bénévoles à chaque année pour aller dans les classes dans la ville de Québec. Mm-hmm. Et donc, il y a des activités qui vont comme ça dans les écoles, vous leur montrez des morceaux de cerveau? Oui, on fait une conférence, puis on présente un cerveau de mouton. Ah! Donc, qui a été conservé, puis on peut leur montrer à quoi ça ressemble, on peut leur montrer les différentes structures du cerveau. J'imagine toutes les réactions des jeunes en voyant. Oui, ça fait beaucoup de réactions, il y en a qui aiment moins. Ouais. Et donc là, dans le cadre du 24 heures des sciences, qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir? Oui, on a deux principales activités. La première, c'est une activité intéressante parce que c'est un partenariat entre Cerveau en tête et le CIRIS. Le CIRIS, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale de Québec. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un centre de recherche qui s'intéresse au mouvement. En lien avec la thématique du 24 heures de sciences de cette année? En lien avec la thématique, exactement, le thème étant le mouvement. C'est une activité qui s'adresse au grand public, à tout le monde à partir de 7 ans. C'est samedi le 12 mai, en matinée. Et ce que c'est, dans le fond, ça va être une visite des laboratoires du CIRIS. Mm-hmm. Les visiteurs vont pouvoir observer puis comprendre plusieurs nouvelles technologies, comme par exemple la réalité virtuelle, des systèmes robotisés, des capteurs, qui nous permettent vraiment d'étudier, d'évaluer, d'analyser comment on réalise des mouvements, comme la marche, ou comment on contrôle la position de notre corps dans l'espace. Okay. Et puis tout ça dans un contexte de personnes en réadaptation, finalement. Oui, toujours vraiment dans un contexte de réadaptation. D'accord. Ça va permettre aussi de mieux comprendre comment la recherche améliore le quotidien des personnes qui sont atteintes justement de ces pathologies-là, comme des lésions de la moelle épinière, douleurs chroniques, etc. Et il y avait une deuxième activité? Oui, on a une deuxième activité qui est vraiment plus cerveau en tête. C'est un volet plus scolaire. Donc, c'est pas grand public, c'est les classes qui vont se présenter au Centre de recherche cerveau qui se trouve à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. C'est le 8 et 9 mai. Puis, dans le cadre de cette activité-là, on offre aux élèves de 4, 5, 6e année du primaire une présentation sur le fonctionnement des cinq sens, vraiment comprendre comment on entend, comment on goûte, etc. C'est ponctué une mini-expérience pour que les élèves aient la chance de bouger. On offre aussi aux élèves de première, deuxième, troisième, secondaire une présentation sur plus l'effet des substances psychoactives sur le cerveau, donc la consommation. C'est fort pertinent. C'est très pertinent. C'est ça, on discute notamment des effets de l'alcool, différentes drogues, pour vraiment permettre aux élèves de comprendre comment ces substances-là ont un effet sur le cerveau, puis comment elles peuvent créer une dépendance aussi. Ça, par contre, ça, c'est des activités qui sont dans le volet scolaire, donc pas forcément accessibles... Pas forcément accessibles au grand public. Au grand public. Pour le grand public, il faut aller donc visiter le... Dans le fond, aller sur le site du 24 heures des sciences, c'est... la visite d'un laboratoire d'évaluation et d'analyse voilà, du mouvement. Je me souvenais plus du nom du laboratoire. Donc, c'est le mouvement. Dans le cadre du volet grand public, c'est cette visite de laboratoire qui est proposée. Oui, et grand public aussi, c'est plus avec le centre de recherche cerveau dont Cerveau en tête fait partie. Il y a une autre activité qui est vraiment la visite des laboratoires à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Puis ça, c'est vendredi le 11 mai en après-midi. Puis ça va être vraiment... plus des élèves de 5e secondaire qui peuvent se présenter. Puis c'est vraiment pour visiter les laboratoires de recherche du centre cerveau. Alors, on va pouvoir visiter plusieurs laboratoires, finalement, au cours de ce 24 heures de science, dont des installations pour comprendre le lien entre le cerveau et les mouvements que et nous faisons. Et le mouvement et comment on se positionne dans l'espace, exactement. Ben, merci beaucoup, Louis-Simon. Louis-Simon, exactement. Merci, merci beaucoup. Alors, changement complètement de décor pour faire un détour par l'archéologie avec Delphine Delmas, qui est la directrice adjointe de la Société du patrimoine urbain de Québec. Bonjour Delphine. Bonjour Valérie. Alors à Futur Simple, on a une chroniqueuse, Marie-Claude Dionne, qui nous fait régulièrement des chroniques en archéologie. Alors je suis bien curieuse de connaître l'activité que vous offrez dans le cadre du 24 heures des sciences. Oui, dans le cadre du 24 heures des sciences, l'activité qu'on offre gratuitement au grand public, en fait on l'offrira samedi le 12 mai, c'est l'activité À vos marques pré-fouillées, qui est une activité de fouille archéologique virtuelle. Oui. Donc, munis de tablettes numériques, nos participants vont partir à la recherche des objets archéologiques qui ont été retrouvés sur le site de l'îlot des Palais, donc qui est un site historique, archéologique et numérique majeur de la capitale, puisqu'on a retrouvé plus de 500 000 artefacts depuis plus de 30 ans. Donc, c'est une des plus grosses collections du Québec que l'on a, parce que ça a été fouillé entre autres par les étudiants de l'Université Laval. Et cette activité-là sur les tablettes va permettre en fait aux jeunes d'aller chercher les objets, de les voir apparaître sur l'écran, de comprendre dans quel contexte archéologique ils ont été trouvés, à quelle période ils appartiennent. Notre site est très, très riche à l'îlot. On est vraiment dans le centre-ville, dans le Vieux-Québec. On a de la présence amérindienne. On a eu la première brasserie en Amérique du Nord, celle de l'intendant Jean Talon. Ensuite de ça, le premier, deuxième, troisième palais de l'intendant. Donc ça, c'est toute la gouvernance de la Nouvelle-France qui se joue sur notre site. Et ensuite, différents mouvements, conquêtes et autres invasions, donc les Britanniques, puis les Américains, pour terminer avec plus de 100 ans à nouveau de production de bière avec les brasseries Boswell et Daw qui se succèdent. La fermeture de la dernière brasserie, Brasserie Daw, en 1966. Puis après ça, le début des fouilles archéologiques. Donc là, il y a deux petites choses. Il y a la question de la tablette. Donc, est-ce que les participants doivent amener une tablette? Non, on leur fournit les tablettes. D'accord. Donc ça, c'est un point quand même qui peut... Si les gens ne savent pas, ils pourraient se dire « Moi, je n'ai pas de tablette, je ne peux pas y aller. » Exactement. Présentez-vous à l'îlot, on vous fournit le matériel. D'accord. Et donc là, ça veut dire, si je comprends bien, les gens vont avoir la tablette. Ils vont avoir une représentation du terrain de fouille. En fait, la tablette leur marque un écran de boussole. C'est tout simplement la boussole qu'il faut suivre. La boussole donne une indication. On a une petite énigme au début qui nous dit « Ok, on se dirige vers telle ou telle époque historique, puis on va voir ce qui a été trouvé à cette époque-là. Est-ce que c'était l'intendant? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre ?» On suit la boussole et à ce moment-là, hop, quand on arrive au bon endroit, on a l'objet qui apparaît à l'écran. Donc, comme je vous le disais, ça a été traité très rigoureusement, tel que les archéologues vont travailler ensuite en laboratoire. On a d'abord une fiche qui parle de l'objet, qui va donner ses détails, ses caractéristiques, la matière, etc. Ensuite de ça, on a une fiche qui nous parle plus de l'histoire, le contexte, est-ce que c'était la brasserie, est-ce que c'était le palais, etc. Et enfin, on a une dernière catégorie qui nous donne plus un procédé scientifique, parce que c'est là que l'archéologie est quand même très complexe, c'est qu'on a différents procédés scientifiques qui entrent en ligne de compte. Donc, on peut se servir, par exemple, de la tomodensitométrie, qui est le scan des objets. Ça permet de comprendre quelle est la matière qui constitue l'artefact en question, où on peut aller traiter un objet à partir du carbone 14, on peut se servir d'élutriation pour retrouver les plus minces particules. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en laboratoire. Tout ne se joue pas sur le terrain en archéologie, mais la grosse partie est après, après les fouilles. Mais est-ce qu'on peut prendre un exemple? On suit la boussole, on trouve un artefact, quel type d'artefact et qu'est-ce que la tablette va nous dire sur cet artefact? On peut juste donner un exemple? Oui, on peut donner un exemple. On a un site qui est très riche, très variés. Et l'un de nos objets vedettes, ce sont nos amulettes égyptiennes. Parce que les amulettes égyptiennes, elles ont 2600 ans et elles ont été retrouvées sur le site de l'îlot des Palais. C'est assez Québec a 410 ans. Alors, je vous laisse... faire preuve d'imagination. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour ces petites amulettes-là? Effectivement. Donc, rien que ça, déjà, ça vaut le détour, je pense, pour aller comprendre comment une amulette égyptienne s'est retrouvée à l'îlot des palais. Exactement. Voilà. Puis, il n'y en a pas qu'une, il y en a quatre, en réalité. En plus, donc, il y en aura pour plusieurs personnes. Oui. Ben, merci beaucoup, Delphine. Donc, encore un autre rendez-vous sur un type d'activité encore complètement différent de tout ce qui a été présenté jusqu'à présent. Alors, voilà les activités présentées à Québec, mais pas loin de Québec. Donc déjà, Valérie Borg, vous en avez présenté quelques-unes des activités qui étaient présentées sur la Rive-Sud et à Trois-Rivières et à Montréal. Mais je vais vous présenter également rapidement, pour terminer, quelques activités présentées au Cap Tourmente et à Pont-Rouge. Alors, au Cap Tourmente, ce sont des activités d'observation d'oiseaux et de chasse au trésor avec un GPS. Et à Cap-Rouge, il y aura le club d'astronomie Astro Pont Rouge qui propose des observations diurnes. On peut observer le télescope avec le soleil avec un télescope spécialisé et des observations nocturnes. Il y aura aussi des jeux, une découverte de la robotique, du popcorn et des hot dogs. Alors ça se passe le samedi de 16h à 21h. Non, le vendredi de 16h à 21h et le samedi de 9h à 23h. Donc, toute une journée d'activité, de détente et de bonne rigolade, probablement. Autre activité aussi inusitée à Pont-Rouge, la fabrication de chocolat scientifique avec création Tantal. Là, ce sont des moules qui servent à donner forme au chocolat, mais ces moules ont des motifs de molécules et d'atomes et bien sûr, le chocolat scientifique se mange à la fin. Alors voilà une belle occasion d'aller passer une journée à Pont-Rouge. Et si vous n'êtes ni à Québec ni à Pont-Rouge, eh bien le 24 heures de science est partout au Québec avec plus de 450 activités en tout genre. Et la difficulté, c'est pas de trouver une activité à notre goût, mais de choisir entre les diverses activités qui sont à notre goût et qui auraient lieu au même moment. Alors, pour consulter le programme et retrouver les détails sur les activités, eh bien, c'est pas compliqué. Vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez « science 24 heures » et vous tomberez sur le site du 24 heures de science. Et là, vous n'avez plus qu'à chercher les activités par ville, par discipline ou par type d'activité. Si vous voulez un bar des sciences, si vous voulez une visite de laboratoire, si vous voulez une conférence, si vous voulez une excursion, il y a un moteur de recherche tout à fait clair sur le site du 24 heures des sciences pour trouver une activité à vos goûts. Alors, mettez les 11 et 12 mai à votre agenda et je vous souhaite un bon 24 heures de science.